Bien, donc Antoine Aignon va nous présenter, je crois, pour cette mise en train de cette journée sur les copyrights, un exposé plutôt historique, mais je suis sûr qu'il sera non seulement historique, mais critique et très intéressant sur la notion d'auteur même, sur l'histoire de la notion d'auteur. À travers en particulier Jean-Sébastien Bach et la musique classique de Bach à Debussy, justement. Donc je lui laisse la parole. Antoine Aignon est professeur à l'École des Mines, professeur de sociologie, mais beaucoup d'entre vous le connaissent, je pense. Antoine, à toi la parole. Merci Jean, modérateur connu. Très modéré d'ailleurs. C'est un bon cas de figure pour illustrer les nombreux problèmes que pose non pas tellement la notion de droit d'auteur compacté, moderne, que effectivement la signification, l'usage du mot anglais, donne mieux le contexte actuel. Mais plutôt le droit d'auteur séparé, là, en deux mots, le droit d'être un auteur, enfin, la notion même d'autorité. Vraiment, on peut se demander de quel droit on devient auteur. La petite introduction informelle, Victor m'avait un peu piégé, donc on allait discuter entre copains simplement, mais ouais, c'est au contraire des journées extrêmement sérieuses et très élaborées. L'introduction à cette question moderne du droit d'auteur par l'entrée avec la musique classique, et en particulier le cas de Bach, que j'ai assez longuement étudié justement dans ses transformations, dans ses transports, avec Joël-Marie Fauquet, qui est musicologue, est intéressante parce qu'il prend, parce qu'il prend à contre-pied complètement cette notion d'autorité, et il la prend à contre-pied, dans le cas de Bach, d'une façon intéressante, parce que c'est deux fois un cas extrême. Le cas de Bach est extrême dans la différence radicale qu'il y a entre sa façon de composer la musique et le format, disons, du droit d'auteur ou de l'autorité, un peu d'ailleurs au sens de Foucault, hein, le schéma œuvre, auteur, public, canaux légaux, outils techniques, moyens de diffusion qui permettent d'assurer cette chaîne linéaire, c'est rigoureusement l'inverse du schéma dans lequel se place Bach quand il compose. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ça ne donne pas simplement une sorte de critique des intentions, ne projetons pas la notion moderne d'auteur sur des auteurs passés, parce que Bach est aussi extrême de l'autre point de vue, c'est-à-dire vu de nous. Non seulement c'est la caricature c'est père de la musique, comme on a dit dès le 19e siècle. Mais c'est même la caricature de l'auteur au sens de l'autorité, c'est l'autorité musicale. D'où un problème plus complexe, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de restituer le contexte dans lequel Bach aurait composé, contexte très différent de celui de notre schéma, un grand compositeur avec le catalogue complet de ses œuvres, pas que faire que Gershaïsnist, en bon allemand. Et puis un public qui a 40 versions de chacun de ses numéros, dans une bibliothèque, une discothèque, construite voire maintenant sur une pétrole. Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire il y a aussi le fait que l'ensemble de notre façon d'écouter la musique aujourd'hui, Bach compris, est organisé par ce répertoire, ces moyens techniques, cette vaste construction d'un répertoire. Alors, je vais essayer par petites touches avec des exemples, ça ne sera pas forcément extrêmement cohérent ou terminé, hein, mais c'est pour jeter des pistes, de revenir sur ces différentes notions linéaires, œuvre, auteur, producteur, production, dispositif et public, ou auditeur ou amateur, sur différents éléments historiques ou actuels autour de du goût pour Bach, de l'amour de Bach, parce qu'il me semble que c'est là que se situe la tension, hein, la tension, autour de ce problème de droit d'auteur, c'est-à-dire la tension entre un modèle linéaire, qu'il s'agit moins de critiquer que dont il s'agit de reconnaître la force, l'efficacité performative. Oui, écouter de la musique, c'est avoir un auteur, lui payer des droits, passer par des producteurs, ça en fonction de son goût, un modèle linéaire. Et puis, au contraire, et alors là, on s'ouvre pas seulement dans le passé, mais aussi évidemment vers les musiques ethniques ou les musiques du monde, comme on dit aujourd'hui, comme s'il y avait des musiques de la Lune. C'est-à-dire une composition, Victor a utilisé le mot pragmatique, mais enfin, la musique, on l'a fait d'abord, et on l'a fait sans s'occuper pas largement de ce schéma linéaire qui ne fait pas faire de musique, qui fait consommer des glaces. Et donc si la musique est un tissu toujours repris, où on prend des œuvres, des styles, des façons de jouer, des instruments, des répertoires qui sont là, alors cela évidemment est très variable selon l'équipement industriel et technique dont on dispose, on en refait quelque chose, et on refait quelque chose en anticipant l'idée d'un public, ou le désir de musique, ou la volonté de faire un effet. Et on fait ça en situation, c'est-à-dire dans un lieu qui nous porte, parce que, par exemple, dans une salle de concert, ou dans une boîte, ou dans une savane africaine, c'est ce qui se passe à ce moment-là. On a une image à la fois plus réaliste, peut-être plus difficile à analyser, plus composite de la musique, mais on a typiquement une image où la moindre des opérations qui se réalisent est une opération circulaire. On fait de la musique parce qu'on en reprend à d'autres, et parce qu'on vise un public, et parce que, d'une certaine façon, on ne s'occupe pas le temps de la faire, de l'avoir mise en boîte et de vérifier que la SACEM a bien prélevé les droits qu'il fallait. Alors, cette tension est très générale, elle est trop générale, et l'avantage, comme a été signalé en introduction, l'avantage de partir d'un cas historique, c'est qu'on sort d'une posture critique qui consisterait à voir ce modèle linéaire comme quelque chose de faux, qui brutaliserait la réalité, et on retrouverait la richesse des pratiques derrière. Non, c'est malheureusement, ou heureusement, plus compliqué que ça. C'est-à-dire, comme j'ai utilisé le mot tout à l'heure, ce modèle linéaire qui, poussons un peu sur les mots, qui crée un auteur, un répertoire, et qui stabilise des goûts tout en les rendant disponibles à travers une réalisation matérielle comme l'est le vaste répertoire de l'industrie du disque, il est hautement producteur. Donc il ne s'agit pas de le critiquer au sens un peu superficiel du terme comme une vision fausse de la réalité, il s'agit de comprendre sa très puissante performativité. Alors pour ça, Bach est particulièrement intéressant, comme je le disais, puisque à la fois il fait partie dans le trio glorieux Bach-Mozart-Beethoven, il fait partie des gagnants de ce modèle, du hit parade de la musique classique avec les traits d'union dont on parlait tout à l'heure. Donc il appartient complètement au second modèle, moderne, linéaire, gouverné par le droit d'auteur ou l'autorité des grands compositeurs. Mais à la différence de Beethoven, autre figure intermédiaire extrêmement intéressante dans cette affaire-là, parce que Beethoven a très activement promu sa propre place comme compositeur génial, il fait partie de ceux qui ont installé délibérément, et de façon d'ailleurs extrêmement intéressante, ce modèle. Bach, il écrit avant ça. Ça pose un problème historique assez amusant. Hein. Comment un auteur, peut-être l'un des plus connus, étudiés, décortiqués, interprétés de mille façons, dans notre monde moderne, y compris dans une volonté de retrouver sa vérité historique, théologique, son contexte et la façon dont on jouait, et avoir entièrement écrit son œuvre sous un autre régime, pour prendre le vocabulaire de Foucault dont je parlais tout à l'heure. Donc, d'où le titre que j'avais donné, sans savoir ce que j'allais dire, à cette introduction, c'est-à-dire Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, SDG, c'est trois lettres que Bach met sur pratiquement toutes ses partitions autographes. On n'a pas beaucoup de partitions autographes de Bach. SDG. Alors, le latin est moins connu aujourd'hui qu'il l'était il y a simplement 50 ans. Et par un glissement que je trouve amusant, significatif, la force de ces trois petites lettres que Bach met à la fin de ses partitions a été, d'une façon, bon, j'exagère un peu, mais entre nous, a été refoulée. C'est-à-dire, les gens interprètent cette. Et quand je dis les gens, y compris des musicologues patentés, pour le diable sans doute, interprètent ça avec une autre formule latine qui n'est pas présente, hein, que Bach utilise de temps en temps, qui est. Ad gloriam, ad soli. Je crois que je voudrais voir le bon cas, moi aussi, mon latin se perd. Ad solam gloriam dei. À la gloire seule de Dieu. Donc, quand j'écris des œuvres, c'est pour rendre hommage à Dieu. Ça, ça ne mange pas de pain. Ça veut dire que Bach est un grand compositeur, écrit ses œuvres, et évidemment, il dédie ses œuvres à la gloire de Dieu. Le petit bouquin de Carl Denis, par exemple, qui s'appelle comme ça et qui commente entièrement Soli Deo Gloria sur ce modèle de à la seule gloire de Dieu. Bon, c'est pas ce que veut dire Soli Deo Gloria. Ça veut dire à Dieu seul la gloire. Le modèle est complètement différent. Ce que dit Bach, c'est je ne suis pas un compositeur. Je ne réclame aucun droit d'auteur. Et c'est la théologie pure. Il n'est pas d'autre créateur que Dieu. Donc, de mes œuvres, la gloire ne revient qu'à Dieu. Maintenant, lui, l'avantage, c'est qu'il n'est pas inscrit à la SACEM. Donc, ça, c'est effectivement lié au problème de droit d'auteur. Mais, indépendamment de cette pirouette sur le droit d'auteur, ce qu'il y a derrière, c'est en effet le signe très fort de l'aberration historique qui consiste à penser Bach comme un auteur, y compris à travers ses propres catégories. Alors, là, il y a beaucoup d'exemples qu'on avait détaillés dans le bouquin La grandeur de Bach. On s'était intéressé à Bach au XIXe siècle en France, pour précisément s'intéresser aux traductions, aux transports, à la formation croisée des deux termes extrêmes que je vous ai décrits. Hein. Comment le travail du XIXe siècle dans un autre pays que l'Allemagne, par exemple, ou dans un pays catholique, reformule à la fois le bac ancien qui va devenir notre référence historique, plus qu'historienne, celui qu'on construit comme image, et produit le goût actuel de bac, au nom duquel d'ailleurs on va commencer à critiquer les traficotages du XIXe siècle, qui ont fait notre goût pour bac, qui ont transformé en un auteur moderne, mais qui évidemment ont aussi fait le goût pour l'authentique, le goût pour le retour aux sources, et du coup nous ont aussi donné les armes pour critiquer les traficotages du XIXe siècle. Je vais donner juste quelques exemples de ce travail, en commençant par la question de l'œuvre. Alors, il faut que je chasse ce disque-ci. Ça marche jamais dans les colloques. Ça fait plaisir d'écouter un peu de musique, mais ça marche jamais parce qu'on fait des arguments, on commence à les comprendre, puis pas, enfin bon. Hein, c'est la vie. Alors, hop. Ah, c'est pas du tout celle-là. Tiens. C'est pas la bonne piste. Vous connaissez quand même, mais c'est pas ça. Ah oui, c'est le 4. Un technicien. Voilà. Les enfants sont meilleurs qui étaient en arrière-plan. Alors ensuite, je vais y arriver. Ah, pas beau. Vous le voyez, Sam? Ah, pas du tout. Ah ben, quand on ne voit pas l'écran, c'est vous voyez les danseuses de l'opéra. On voit les danseuses de l'opéra et on voit que c'est qu'il n'est pas resté. F10. Ils sont bons, sur le Mac. Non, en général, sur un Mac. F7. Poulet. Non, F7. F7. Bon, voilà. Bon, sur l'écran, il doit être dans le deuxième écran virtuel. Bon, pas pour toi. Hard. Merci à ton brutal. Je vais commencer par planter mon. Non. Ça avait le fond déjà. Il y avait le bon fond qui a changé. Hard, c'est Hard. Bon. Hard, c'est Hard, mais je crois que c'est lui qui s'est endormi en fait. On est trompé pour qu'il ouais, bonjour. Ah, d'accord, oui. Oui, Christophe, un F2X, dit-il. Dit-il effectivement, Fiat Lux. Ah, oh, un génie. Mais comment ça se fait? Ah, il est à droite, d'accord. Voilà. Et là, t'as tout? Ah non, t'as pas tout. Je vois pas tout. T'as fait rien, tu vois rien, on peut le grimper. Alors, le truc, c'est qu'il est à droite, voilà. Donc, en fait, t'as souri. C'est vrai. Elle est sortie déjà. Voilà, et là, comment je peux lancer sur l'écran là. Et comment moi je peux lancer ça lancer le son pour le coup. Allez, il faut d'abord monter le son. On va rien entendre. Ah oui, c'est je vais la suivre. Pour suivre, il faudra repartir à droite. Donc là, vous êtes là-dessus. Vous voyez cette niveau d'orgue, 788. Trio en face à caille, 12e, messe du 12e. Deuxième ton, pardon. Okay. Alors, ceux qui ont l'oreille absolue vont souffrir un peu, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a plus de trois. 1750-1719. Donc le thème même d'une des œuvres d'orgue les plus connues de Bach, le thème de sa passacaille en do mineur, la séquence mineure, est en fait un trio qui s'appelle Petite Passacaille du premier livre d'orgue d'André Raison. Et le cas extrêmement fréquent chez Bach, au point qu'un professeur de province, le professeur de province qui s'occupe, Fernandez, a fait toute une espèce de polémique sur Internet pour indiquer que Bach est un faussaire, c'est une construction sociale, parce qu'il est plus sociologue qu'un type de critique. C'est entièrement fabriqué par les musicologues et le goût snob et aristocratique de la fin du 19e et du 20e siècle, puisque Bach n'a jamais rien écrit, il n'a fait que copier les œuvres des autres. Alors, évidemment, dit comme ça, on voit la violence de la production soi-disant critique d'un modèle complètement moderne sur un auteur qui n'a pas fonctionné comme ça, mais qui, très naturellement, n'a absolument jamais écrit une œuvre. Bach n'écrit pas le BWV. C'est une évidence, mais donc je souligne lourdement, pour faire un peu le choc des mots, le poids des photos. C'est-à-dire qu'il se place dans le tissu continu dont je parlais tout à l'heure. Il ne cesse de reprendre de la musique. Le mot « œuvre » est un mot très fort et très brutal. On peut, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois dire que chaque fois qu'il écrit quelque chose, ce ne sera jamais rejoué, et qu'en même temps, il écrit toujours quelque chose qui est rejoué. Donc, c'est simplement que le modèle n'est pas le bon. Faire de la musique, c'est d'abord non pas faire de la musique, mais illustrer quelque chose, en particulier la parole de Dieu, majorité de ses œuvres sont religieuses, en prenant donc le matériau disponible, mais matériau mal dit aussi. Est-ce qu'un choral luthérien, pour Bach, c'est de la musique ou c'est de la parole de Dieu transmise à travers la pratique des protestants, en particulier piétistes? Donc il est en situation d'essayer de commenter une parole de Dieu et il reprend de la musique. Alors, il le reprend, dans son cas, c'est très intéressant, puisqu'il le reprend à tout le monde. Il le reprend à la tradition luthérienne et protestante, qui remonte au moins à 100 ou 150 ans, assez fixe. Il y a un travail très intéressant à faire pour les musicologues, c'est de faire Bach avant Bach. On a tellement concentré l'autorité sur Bach qu'un nombre important de cantates, en particulier, qui ne sont pas du tout de Bach, voire qui ont 50 ou 60 ans, écrites 50 ou 60 ans avant, lui ont été attribuées, sont progressivement désattribuées. Mais indépendamment de ce problème qui est trop moderne, c'est l'attribution par attribution, c'est surtout que la restitution de cette énorme production de cantates luthériennes avant Bach montre sur nous l'effet de l'autorité. Avec ce truc un peu bizarre, si c'est mauvais, on dit que c'est pas du Bach, si c'est bon, on dit que c'est du Bach, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et de temps en temps, on a d'excellentes cantates comme la 54 connue qui n'est plus de Bach. Ce qui est évidemment un peu bizarre, puisqu'on écoute la même musique et soudain, elle n'est plus de Bach. Donc, indépendamment de ces petits jeux, enfin pas indépendamment, hein, ces petits jeux de l'attribution ex post nous montrent aussi l'effet de mise au premier plan d'un auteur et de mise au second plan de tous les autres. Alors que le fait même qu'on puisse se tromper, qu'en écoutant la cantate 54, on dirait ma foi c'est du bon Bach, on se rend beaucoup mieux compte de ce tissu continu dans lequel Bach s'inscrit. Donc il reprend beaucoup de musique écrite avant lui, et il reprend, ce qui a été souvent étudié même avant, là c'était dans Bach, il se reprend lui-même continuellement. C'est une pratique absolument générale, et qui va durer beaucoup plus longtemps que ce que l'histoire de la musique nous donne, justement, avec Mozart et son défi aux autorités et à son évêque, ou Beethoven ont signalé. Hein. Tout l'opéra français et l'opéra italien du 19e siècle donne des œuvres qui sont écrites en 5, 6, 7 versions, très différentes parfois, parce qu'à chaque fois qu'on redonne l'opéra, on le réécrit. Ben oui, c'est ça. Une œuvre dans son tissu, c'est quelque chose qui fait quelque chose, un travail qu'on essaye de mettre en œuvre en situation, en fonction du public. Et on a des chroniques extraordinaires, par exemple d'Aubert et Scribe, hein, qui font de la musique pour le public. Donc le dernier élément de cette chaîne linéaire, c'est-à-dire que ils font leurs opéras ou leurs opéras comiques, qui vont à l'opéra comique, ils sont dans la salle à deux endroits différents, et les montages qu'ils ont inventés, ils écoutent leur musique, ils notent les effets que ça a sur le public, et ils rentrent dans sa banlieue chic le soir, et ils travaillent toute la nuit pour recorriger les opéras en fonction des moments où ça a paru lourd, où le public a l'air de s'ennuyer, ou au contraire, où ça a bien marché. Donc là, on voit que ce travail sur l'œuvre et ses versions successives n'ont rien d'anecdotique ou d'une espèce de correction qui chercherait, ben là c'est des fausses versions liées à quelques impératifs secondaires. C'est bien un travail pour que l'œuvre fasse quelque chose en situation. Mais dans ce modèle du 19e siècle, qui met quand même sérieusement à mal la notion d'original du côté de l'œuvre, on est déjà dans la musique. Donc un basculement a été fait qui nous installe dans un répertoire relativement stable d'œuvres musicales. L'intérêt de la figure de Bach, c'est qu'on peut aller très loin dans la remise en cause du fait même qu'il s'agisse de musique. Et là, Bach nous permet de faire un passage un peu sauvage, avec les musiques primitives. Le fait même de les appeler musique, comme les ethnomusicologues ou les anthropologues de la musique, surtout, l'ont bien souligné, est déjà une violence extrême. Si on écrit dans un rituel où on a peur des esprits, où on est en train de passer d'un âge à l'autre, on n'est pas du tout dans le même schéma linéaire que le public qui va au concert, au Zénith, ou à l'opéra, s'il est plus chic. Or, pour Bach, la question se pose exactement dans les mêmes termes. Si je reprends des œuvres ou des thèmes, et là c'est exactement le thème, parce que c'est ça, en général, il bricole pas mal sur les thèmes, à d'autres compositeurs, il y a plusieurs figures, hein, un peu différentes. Il y en a une qui est assez classique, qui a été repérée plus vite, parce qu'elle est plus musicale, c'est tout ce qui est enseignement, transmission. Par exemple, il retranscrit dans un motet allemand le Stabat Mater des Pergolèse, c'est rigoureusement la partition de Pergolèse légèrement remaniée. Donc là, il est recopié, c'est très connu aussi, le concerto d'orgue des Italiens avant lui, c'est pour apprendre la musique, la transmettre et la transmettre à ses élèves. Ce n'est pas le cas le plus intéressant. Hein. Le cas le plus intéressant, c'est celui qui met en cause le fait même qu'il est en train de faire une œuvre originale et que le fait d'avoir un thème qui soit à lui compte. Donc là, dans cette pièce d'orgue, c'est typique, il trouve le thème beau. Et là, parmi les différentes figures de composition qu'il aime, il y a celui de la variation, et il part sur cette variation. Et il nous donne donc une pièce dont il n'a pas lui-même à se demander si elle est de Bach ou d'André Raison. On raisonne là toujours un peu dans la musique. La petite sortie, le pas de côté que je voudrais sur lequel je voudrais insister, c'est que quand on demandait à Bach ce qu'il était, il répondait qu'il était théologien. Alors, évidemment, ça n'est pas une façon, une fausse modestie par rapport à son talent de compositeur, parce qu'on voit dans les combats qu'il a eus sur ses postes, en particulier les Télémans et les concurrences déloyales de ses petits camarades, qu'il était absolument persuadé d'être le plus grand compositeur de son temps. Donc, mais comme artisan, au service de Dieu. Je vais revenir brièvement, en liaison avec un travail qu'on a... On a discuté avec Denis Laborde en particulier, qui travaillait sur les passions, la passion selon saint Matthieu de Bach, sur une histoire qui me paraît extrêmement caractéristique sur la figure de l'auteur, l'autorité. Comme vous savez, quand Bach donne la passion selon saint Matthieu à Leipzig, alors peut-être qu'il l'avait déjà donné avant, bon, une petite querelle musicologique, mais ça fait scandale. Il y a un grand scandale, alors bon, on aime bien les scandales dans l'histoire de la musique. La version courante, c'est une phrase de quelqu'un dans le public. Alors, évidemment, il y avait un micro qui nous, qui nous certifie que quelqu'un l'avait vraiment dit. C'est qu'il dit « Je m'évanouis, je suis à l'opéra ». Donc c'est un scandale parce que c'est beaucoup trop fort expressif. Alors la passion selon saint Matthieu comparée à la passion selon saint Jean donne bien des arguments pour ça. Hein. C'est une musique beaucoup plus tendue, extrêmement douloureuse. Harmoniquement, il y a des sauts, notamment chromatiques, d'accords chromatiques pas du tout préparés, qui sont quand même assez peu courants dans Bach. Et il y a une sorte de violence expressive de la musique qui donne pas la passion selon saint Jean comme moins profonde, mais qui montre qu'il cherchait autre chose. Version habituelle, c'est le grand compositeur génial, mal compris et du public et des bourgeois qui, comme chacun sait, sont bêtes, frileux et craintifs, et qui s'appuient sur l'autorité, c'est l'autorité civile, et qui lui disent « Oh, mollo, mollo, c'est pas pour ça qu'on t'a payé, arrêtez, le génie méconnu peut prendre figure et être réhabilité, recompris par nous. » Vous voyez ces figures doubles assez classiques, hein, où on se grandit nous-mêmes de la reconnaissance du génie, ex post, c'est plus facile, 100 ans après, que les contemporains n'ont pas eu. Version extrêmement superficielle, c'est pas du tout ce qui se passe. Bach n'écrit plus de musique religieuse, sauf la messe en si, après la passion selon saint Matthieu. Or c'est 1723, il mourut en 1750. Donc il y a 27 ans de la vie de Bach où il ne compose plus de musique religieuse. Parce qu'un bourgeois lui a dit que sa musique était trop expressive. Pas du tout. Parce qu'il est théologien, protestant, piétiste, qu'il est en désaccord avec l'interprétation piétiste dominante du moment, qui a le moins de musique, le mieux c'est, des chorales, pas d'instruments, d'iconoclasme protestant. Donc lui dit non, la beauté, il faut être la musique la plus riche possible pour servir au mieux Dieu. Donc et ça, il était mieux, hein, donc on a des polémiques intéressantes où il défend le fait qu'il faut y faire de la musique, de la bonne musique, pour servir Dieu. C'est ce qui pousse, ce qu'il fait dans les cantates pendant toutes les années à Leipzig en particulier. C'est ce qui pousse le plus loin avec cette passion selon saint Matthieu, mais cette passion selon saint Matthieu, pour lui, c'est un défi théologique. Comment puis-je aider le fidèle à sentir ce qui se passe lorsque le Fils de Dieu est crucifié? Il ne rigole pas du tout de l'enjeu, il ne s'occupe pas du tout de l'assassin. Et c'est de ça qu'il a peur. C'est-à-dire qu'au moment où la passion selon saint Matthieu est donnée, ça n'est pas la dame dans le public qui dit qu'on est à l'opéra. C'est Bach qui se demande s'il n'est pas allé trop loin dans le droit qu'il se donne lui comme modeste artisan au service de Dieu pour exprimer des passions humaines. Jusqu'à quel point, c'est une véritable théorie de la représentation avec laquelle il se bagarre. Jusqu'à quel point j'ai le droit d'émouvoir le public par ma musique, jusqu'à quel point je reste un serviteur modeste de la parole de Dieu, jusqu'à quel point je ne deviens pas un écran, donc un compositeur. La réponse est non. C'est-à-dire qu'il se dit oui, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être suis-je allé trop loin, et en tout cas je me sers de la réaction des bourgmestres et de ses chefs pour ne plus aller dans cette voie-là. Et il devient compositeur, en effet, ce qui est amusant, mais un peu par dépit. C'est-à-dire que les plus grandes œuvres de Bach après 1723 sont des œuvres qu'il publie d'ailleurs plus volontiers et qui sont des œuvres pour apprendre aux autres la musique. Des grandes pièces formelles, la caricature étant évidemment l'offrande musicale et l'art de la fugue, mais aussi tout le clavier ou bunk. Donc on a un vrai drame qui se joue, qui n'est pas du tout celui de la bêtise des bourgeois qui sont incapables de reconnaître un génie. On a un théologien qui faisait de la musique pour servir et qui s'aperçoit que la musique prend la première place et qui, en un certain sens, le refuse pour des raisons même pas théologiques, enfin théologiques en partie, et purement religieuses. Interprétation, hein, interprétation qu'on a mis au point devant deux verres de rouge avec Denis Laborde, il n'y a aucun moyen de prouver ça. En même temps, je trouve que c'est beaucoup plus compatible avec les textes de Bach et la façon dont Bach a écrit que cette version qui projette sur lui le génie. Alors, on voit que par rapport à la chaîne linéaire dont je passais, c'est bien à la fois la notion d'œuvre au niveau le plus technique, à quel moment dire que ceci est le morceau d'un tel, donc c'est là-dessus que les exemples de Victor nous ont donné jamais, est-ce qu'on reconnaît que c'est la même chose ou non, est-ce que quand il y a le thème de raison et qu'il y a la passacaille de Bach derrière, le thème dit qu'il faut qu'il paye les droits d'auteur à raison, parce qu'il s'appelle raison en plus, parce qu'il lui a piqué son thème, ou est-ce qu'au contraire tout le travail est dans la variation, ben, vous voyez, suivant que l'auteur est grand ou non, on va dire que le premier est juste rien du tout sans génie, et puis que Bach a tout fait, ou au contraire, on va réclamer des droits d'auteur. La notion d'œuvre même, à travers ce qu'elle vise, donc, non pas vous faire une grande œuvre personnelle et vous épater avec la passion sur Saint-Mathieu, mais au contraire, faire produire un sentiment qui est de nature non musicale, et jusqu'au XIXe siècle, on ne fait pas de la musique pour la musique. Cette invention est extrêmement tardive, elle est même tardive au XIXe siècle, hein. Plus on l'étudie avec Fauquet, plus on recule la date, c'est-à-dire que l'ensemble de l'opéra du XIXe siècle, en particulier français et italien, le mot « musique » est ce qu'il définit le moins, au point qu'en général, « musique », ça veut dire « chant ». Non, on est dans une cérémonie sociale, ironique, hein, une mondanité au bon sens du terme, on joue à la fois de l'érotisme, de la fascination pour la voix, du spectacle, de l'événement politique, comme Ken Fischer l'a bien montré. Il s'agit non pas de tout sauf de la musique, mais de ce tissu continu de variables avec lequel on négocie. Et c'est vraiment le modèle reconstruit, initié véritablement, lancé par Beethoven, et peu à peu établi par les amateurs au XIXe siècle qui vont purifier la musique et dire « oui, c'est bien de musique qu'il s'agit, et nous sommes là pour écouter de la musique », est extrêmement tardif. Donc évidemment, dans ce modèle-là, la notion même d'œuvre, et a fortiori l'idée de lui assigner des droits, est très contestable. Alors, sur la notion d'auteur elle-même, là, je vais passer plus vite, hein, c'est vraiment le contenu du livre, on voit qu'il y a une deuxième figure qui vient derrière, et qui est très présente dans notre façon de reconstruire les œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est plus seulement est-ce que celle-là est originale et elle est de qui, c'est qu'on lit ces fragments que sont les œuvres à travers une figure extrêmement complexe à analyser, hein, qui est celle d'un grand compositeur qui, en effet, le mot le dit bien finalement, est un être extrêmement composite entre ce qu'il a composé à l'époque et puis l'histoire qu'il a suivie et qui lui a donné de plus en plus d'importance, qui nous a fait écouter la musique d'une certaine façon et qui nous fait juger ex post de ses morceaux. Il y a des tas d'exercices que, par rapport à la notion de droit d'auteur et au schéma linéaire, je fais en séminaire amateur, mais qu'il faut faire, qu'on fait régulièrement avec la radio, et qui montre cette espèce de moule de la figure de l'auteur à travers laquelle nous écoutons, hein, c'est de passer des musiques dont on ne sait pas de qui elles sont. Et vous voyez, ça gêne. Bon, si c'est un petit truc isolé, ça va, mais si c'est une œuvre que vous trouvez très bonne, qui vous intéresse et dont vous ne savez pas l'auteur, il y a une sorte de manque. Cette recherche, elle est compliquée. Ça veut dire que vous avez besoin de savoir de qui c'est pour vraiment savoir si vous avez le droit de l'aimer. Donc ces petits modèles circulaires un peu inquiétants indiquent très bien, par la négative, le côté illusoire de cette belle chaîne sans intermédiaire qui nous ferait, nous, écouter dans l'ombre, comme dans une vaste spectacle, des œuvres écrites le long de l'histoire de la musique et qui seraient juste ce qu'elles sont, ce qu'elles ont été produites au moment où elles ont été produites. Alors sur la notion d'auteur, plutôt pour mettre dans la marmite, mais je ne vais pas le développer là. Il y a toujours cette association Barthes-Foucault qu'il faudrait clarifier. Hein, parce que c'est deux modèles très présents dans notre façon de penser l'auteur, mais c'est deux modèles très différents. Hein. Il y en a un, celui de Barthes, qui est vraiment un modèle critique. C'est-à-dire l'auteur n'existe pas. Nous sommes dans l'intertextualité, et un mécanisme d'attribution qui appartient entièrement à notre régime de lecture vient attribuer des fonctions auteur. Alors là, il y a un paradoxe, c'est ce par quoi j'avais démarré le propos, hein. C'est-à-dire que cette vision critique fait comme si les musiques modernes, occidentales, la musique classique en particulier, continuaient à être produites sur le mode traditionnel, et que par un espèce d'effet marchand, on la vivait sur un autre mode illusoire. Et souvent l'analyse de Foucault, là, le tout petit texte, hein, mais extrêmement riche, qu'est-ce qu'un auteur, est assimilé de façon moins radicale à ce modèle critique. Or, il est extrêmement différent. Hein. Le modèle de Foucault, en le tirant peut-être un petit peu dans l'autre sens, hein, est le contraire d'un modèle critique. C'est un modèle de performativité. Le régime d'autorité est tout sauf une illusion. C'est la mise en place d'une série de dispositifs extrêmement complexes, alors il le fait surtout sur la littérature, mais c'est presque pire en musique, hein, qui suppose que tous les éléments de cette chaîne soient articulés entre eux, hein, donc on fasse tous les liens entre des catalogues d'œuvres mieux répertoriés et des droits d'auteur mis sur eux, des responsabilités juridiques, des figures d'auteur, donc avec quelqu'un qui peut recevoir des droits en effet, des dispositifs intermédiaires qui font partie du jeu, qu'est-ce que fait le producteur, et un public qui, du coup, paye quelque chose quand il consomme des œuvres et se place dans cette chaîne, dans ce schéma. Et cette mise en place d'un régime de l'autorité, y compris avec ses aspects commerciaux, a une énorme influence sur la constitution même de la musique, avec peut-être le trait d'union, et a fortiori de la musique classique avec le trait d'union, comme un espace homogène dans lequel on circule avec des auteurs, des œuvres et des publics. Et cette formule d'instaurateur de discursivité un peu mystérieuse qu'utilisait Foucault me paraît, comme souvent chez lui, là, c'est pas ce qu'il développe, hein, c'est là-dessus qu'il termine, mais extrêmement riche. C'est là dont je parle depuis tout à l'heure sur Bach. Bach n'est pas du tout un auteur, historiquement. Montrer à quel point c'était sérieux, c'est pas une figure déficiente que j'en donne, c'est au contraire son grand projet théologique qui montre combien la mesquinerie de cette réduction à une figure d'auteur. En revanche, il est un instaurateur de musicalité, c'est-à-dire que même à travers une espèce de déchirement théologico-musical qui vit avec cet étrange effet produit par la Passion selon saint Matthieu, sans du tout évidemment avoir comme projet de le faire, il se place à un moment où il devient un instaurateur de musicalité, c'est-à-dire qu'il est obligé, la contrainte même de sa rigueur théologique, de voir la différence entre une musique simplement là, hein, qui fait son office, métaphore religieuse, et la force d'un savoir autonome, transmissible, et qu'on peut, d'une certaine façon, organiser. Et un peu à son corps défendant, c'est ça qui est amusant, il passe explicitement de l'un à l'autre, hein, de la musique comme moyen à la musique comme fin. Il est sur le seuil de ça, hein, mais comme par hasard, ses dernières œuvres sont pédagogiques, formelles, et, dernier point, essaye de faire activement le lien entre le passé et le présent. C'est intéressant aussi par rapport à la figure de Bach, on dit Bach archaïque. C'est vrai que quand on lit du Bach, c'est pas la musique du temps. D'où, ah ben oui, il connaissait très bien Frescobaldi, les musiciens qui composaient de façon extrêmement chiffrée. Il y a un jeu dans Bach sur les nombres qui est à la limite de la démence. Hein. On compte le nombre de notes, on multiplie par 3. Bon. Donc, côté archaïque, c'est pas du tout son projet. À la fin, ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire de la musique ancienne la musique du futur. C'est-à-dire que quand il écrit ses œuvres, ce sont les œuvres les plus modernes, l'énorme anachronisme de ces mots, de Bach, celles qui essayent les tentatives formelles pour les autres, l'art de la fugue typiquement, qui sont le plus proches de la réutilisation des procédés anciens. Donc c'est pas du tout un auteur archaïque qui, trop vieux dans un monde trop moderne, mépriserait le nouveau style galant et resterait accroché à ses vieux thèmes divins et à la musique comme on savait la composer de mon temps quand j'étais jeune. C'est au contraire quelqu'un qui, pour la première fois, première fois, j'exagère un peu, évidemment, hein, prend au sérieux l'idée que la musique du passé doit être réinvestie dans une musique du futur. Ce qui veut bien dire qu'il participe à l'instauration de la musicalité, puisqu'il réinscrit dans une histoire à plus long terme, il s'arrache du présent, le tissu continu de ce qu'on fait à son époque, pour se dire non, il y a des choses qui sont plus difficiles à faire passer. Ses combats avec son fils, avec ses fils sont amusants comme tout là-dessus, puisqu'il les traite en gros de jeunes modernistes à la con qui suivent les modes, alors que la musique, c'est sérieux, et y compris pour faire de la musique contemporaine, et il faut se servir du passé. Un argument très fort, compris au 19e siècle. On dit très très peu que Bach est un compositeur classique. On se sert de Bach en présentant toujours comme un auteur à la modernité, mais pas du tout à notre sens, hein, c'est le début de notre sens, étonnant. C'est un compositeur qui est fait pour faire la musique de demain. Donc ce passage-là est intéressant aussi, évidemment, sur la figure d'auteur, puisque loin de le limiter à sa période, il est celui qui transforme une figure en une autre. Je vais peut-être m'arrêter là. J'avais le couplet amusant, mais ça va être trop long à relancer, sur lequel qui anime un peu les communications. C'était ce que je vous ai mis au début, l'Ave Maria de Gounod Bach. Mais je crains que ce soit un peu une autre histoire. Je vais juste conclure là-dessus pour montrer que ce tissu continue. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'histoire de l'auteur, c'est bien l'histoire des boucles successives qui n'arrêtent pas de reprendre des compositeurs ou des musiques précédentes pour en refaire de la musique. Et donc le petit numéro que je voulais vous mettre, c'était d'abord la version que vous avez entendue au tout début de l'Ave Maria de Gounod Bach par Alagna, peut-être dont la pureté entre le monde classique et le monde des variétés fait aussi question, et pas pour rien. Donc on a à la fois la caricature du traficotage à la 19e siècle. Hein, ben voilà, il y avait le premier prélude en do majeur du clavier bien tempéré. Gounod se fait un succès à bon compte, il met une mélodie romantique dessus et ça devient un tube du disque. Donc vous voyez le court-circuit des périodes, des dispositifs que ça provoque. Un peu comme l'Adagio d'Albinoni. L'Adagio d'Albinoni, c'est un faux notoire. Donc c'est intéressant puisque par amour du passé, un compositeur, un musicologue en fait, spécialiste d'Albinoni, pousse son amour assez loin pour faire ce que Albinoni n'a pas fait, c'est-à-dire ce bel adagio tel qu'on se représente la musique baroque avant la guerre. Donc pas plus romantique que l'adagio d'Albinoni, il suffit d'écouter quatre notes pour entendre de la musique romantique telle qu'un compositeur de film américain la concevrait. Donc le faux est intéressant. Une version critique, ça veut dire qu'il ne mesure qu'une seule chose, il mesure l'image qu'on a en 1950 de ce que peut être le baroque. Et c'est sur ce modèle-là qu'on lit l'Ave Maria de Gounod. Alors là, bon, l'analyse est faite dans les livres, donc je vous ai renvoyé, mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Quand Gounod écrit cette mélodie sur l'harmonie de Bach, le goût pour Bach n'existe pas. Donc il est dans la figure rigoureusement inverse. Il se pose la question, il voit dans une musique, c'est un théoricien du classicisme, Gounod, hein, c'est pas un romantique du tout, le classicisme au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'il y a des formes universelles dans la musique, et quand je reconnais la grandeur de Bach, mon travail de compositeur du 19e siècle, c'est de faire comprendre, sentir, entendre à des auditeurs de mon temps ce que la musique de Bach a d'universel. Donc je trouve que ce premier prélude du clavier bien tempéré, c'est l'harmonie mise en 3 minutes. J'ai une grille de jazz, j'ai la grille parfaite, et je suis compositeur romantique de la musique. C'est pas des accords au piano. Il faut aussi qu'il y ait un saxophone, il faut aussi qu'il y ait une mélodie romantique dessus. Et je mets ma mélodie pour que les gens entendent l'harmonie de Bach et pour que l'harmonie de Bach, inversement, redevienne de la musique comprise dans mon temps. Donc il fait un travail de médiateur positif. Il aide à faire aimer Bach. Et les équivoques sur l'auteur sont extrêmement caractéristiques. C'est au début l'Ave Maria de Gounod. Et ça devient petit à petit l'Ave Maria de Bach au XIXe siècle. Et évidemment, maintenant, ça redevient l'Ave Maria de Gounod pour des raisons de purisme inverse, qui l'aide à faire aimer Bach, et comme n'est pas du tout, pour lui, un sacrilège. Il exprime ce que la musique de Bach contient. Je prie l'exemple au jazz, mais c'est pas pour rien, je crois que c'est à peu près la même figure. Si quelqu'un prend un standard de jazz et vous recopie mot à mot la façon dont Parker l'a joué, on dira, ben, coco, je préfère Parker. Et évidemment, reprendre un standard de jazz, c'est faire du Gounod, c'est remettre une mélodie dessus ou l'adapter à ce que c'est devenu le jazz après le free jazz, et ben, voilà. C'est ce que fait Gounod. Donc, l'intérêt de cet exemple-là, c'est de bien montrer toutes ces figures assez complexes entre notre goût, les producteurs de disques, un répertoire passé qui appartient aujourd'hui à la modernité, et au contraire, le travail qui a produit cela, puisque l'Ave Maria de Gounod, c'est à la fois la caricature du tube variétisant en classique pour nous aujourd'hui, mais au moment où ça a été produit, c'est au contraire typiquement la reprise dans la continuité du tissu qui va des œuvres aux auteurs, aux situations, aux matériaux dont on dispose, pour un public donné, à un moment donné, d'une œuvre du passé, pour essayer de faire ces passages, ces transports qui ont permis à Bach de vivre jusqu'à aujourd'hui, selon la formule d'André Souris remarquable qui était Bach aujourd'hui, un article qui en 39, très très moniteur. Voilà, j'étais un peu confus dans le sens, mais l'idée était bien de, non pas de casser, hein, mais d'ouvrir la question du droit d'auteur qu'il faut poser extrêmement techniquement, tout à fait raison, mais aussi en plaçant dans la pluralité, la diversité et l'extrême complexité des ramifications, des tissus, des petites constructions qui ont permis à ce modèle relativement évident des grands compositeurs, des œuvres répertoriées, des spécialistes et des producteurs et un public avec un goût identifié de se constituer. Je vous remercie. Si vous voulez écouter pendant la discussion, le début de l'Ave Maria de Gounod, je peux essayer de vous le remettre, mais je ne promets rien. Merci Antoine. Je crois que c'est l'applaudir. On écoute un peu de musique ou... Je trouve même pas ma flèche, moi. Vous voyez, mes enfants manipuler. En attendant la musique, je voulais quand même remercier vraiment Antoine Aignon pour cette très belle déconstruction de la notion d'auteur. Il a lui-même dit, et on le voit bien, qu'il y a une convergence réelle avec la conception que nous avons de la composition et du statut de l'auteur en ethnomusicologie. Moi, cette formule de Soli Dei Gloria, ça me rappelle tout de suite, disons, les conceptions de la création humaine et de la création divine en islam. Hein. Tu as dit toi-même, il n'y a de créateur que Dieu, donc ça pourrait presque être la traduction littérale du credo des musulmans. Et dans la culture arabo-musulmane, il est bien évident que c'est une conception qui est fondamentale pour comprendre le statut de l'art et des affaires artistiques. Il est bon, il n'y a plus qu'à se l'annuler. Je laisse la place à la musique. Il a été arrangé, notez bien, parce que les chœurs au début, c'est pas la version normale. C'est bien comme force. Plus fort. Monte un peu. Écho énorme, pour évoquer l'église. Je passe aussi parce qu'il y a des ironies qui sont meurtrières, qui empêchent de, de comprendre, mais il y a aussi des ironies qui, au contraire, sont assez productives. Là, on voit le choc, des photos, le choc des mots. On parlait tout à l'heure, la voix est hyper opéra, mais il se caricature lui-même en chanteur d'opéra. On rajoute de l'écho et de la réverb pour faire église, on rajoute du chœur parce que les religieux, c'est chœur, là. Alors que on avait repéré ça avec Fauquet, loin d'être un falsificateur, Gounod, pour l'époque, et alors qu'on a bien essayé de montrer à quel point ce souci d'authenticité était complètement à côté de la plaque, bien néanmoins, ils ont au contraire très très peu touché la partie instrumentale. Donc eux-mêmes avaient déjà un souci inverse, c'est-à-dire que le prélude, il est transporté en sol pour des raisons vocales, mais sinon, il est très très proche de celui de Bach, y compris dans le fait qu'ils ont très peu rajouté de liaisons, ce que n'importe quelle édition de Bach au début du siècle, voire en 1950 encore, fait. Donc ils sont presque plus puristes que certaines éditions des années 60. Bien, merci Antoine. Je voudrais savoir juste combien de temps on a. Si tu peux me passer ta montre. Tu me la rends parce que... Oui, bien sûr. Un droit d'auteur. Un quart d'heure, hein. Il est 11h05. Et donc, oui, je crois que cette convergence avec l'ethnomusicologie est patente. Et bien que ça soit vraiment la première fois, je crois qu'on entend Roberto Alagna au GTU. Tu fais assez fort. Oui, il va sûrement chercher des mélodies sur Solenza. Donc, voilà, je lance le débat. Nous avons un quart d'heure. Donc, je prends les interventions. Vous levez le doigt, s'il vous plaît. On essaye d'être bref chacun pour permettre le plus possible d'intervention. Bernard, pour ta Jacob. Tu fais le levier de doigt, c'est vraiment très décapant, quoi. Je pense que tu dois être pas mal de bacologues. C'est compliqué. Oui, c'est ça. Les rapports avec eux doivent être un peu tendus parce que cette sacralisation du personnage, etc., ça a dû coûter. Je vais intervenir sur un point parce que tu as fait ce rapprochement audacieux et peut-être un peu rapide sur. Gounod récupérant le premier prélude, etc., c'est comme dans le jazz, c'est un peu l'équivalent du jazz. Et je ne suis pas tout à fait sûr, parce qu'il me semble que le statut, et je me réfère à l'article qu'a fait Patrick Williams dans l'homme que tu as peut-être vu, le statut du standard est beaucoup moins stable, en fait. Si tu prends le standard de Round of Midnight, on ne sait pas si c'est l'harmonie qui compte, si c'est le style, si c'est le mood. Et donc il n'est pas vraiment fixé, comme autant qu'il l'est fermement à travers la partoche. Du premier film. Il y a quelque chose de plus. Il est d'autant plus peu fixé que, comme tu sais, les standards, ils changent même de nom en jazz. Mmh. On croit que c'est ce standard et puis les boppers changent de nom. Cherokee Coco. Alors il y a un doute sur le nom et il y a un doute même sur la réalité phonique du standard. Ce qui est une petite différence, je crois. Jacques Knowledge, non, comment on dit en français, à 100%. Hein. C'est une première image. Elles sont violentes, alors que la question telle que tu la poses va exactement dans le même sens, mais pas avec la même réponse empirique. C'est-à-dire qu'effectivement, le standard est une très bonne entrée pour voir que ce qu'est la musique pose problème. Même on reprend un standard, on ne sait pas ce qu'on reprend. Alors qu'il y a quelque chose de stratégique qui modifie un peu les choses dans l'emprunt fait par Gounod et qui va probablement dans un sens un peu différent, donc je pense que tu as absolument raison. C'est-à-dire que s'il le fait, c'est bien pour prolonger cette instauration de la musicalité, puisqu'il cherche l'écriture harmonique parfaite. Qu'est-ce qui peut être la grille harmonique idéale d'une mélodie, y compris romantique? Donc effectivement, lui, il a une idée de ce qu'est la musique. C'est cette grammaire que Bach va de plus en plus incarner, une grammaire relativement intemporelle. Donc il y a un projet assez précis qui n'est pas celui du standard même. D'autres. Julien Manet. Bah, d'abord, merci beaucoup, c'est passionnant et je crois que ça pose beaucoup de points qui sont déroulés tout au long de ces journées et qu'on retrouve sur nos terrains, comme on le verra dans les différentes ethnographies et demain également. Alors, j'avais juste une petite question toute bête. Comment, notamment dans la façon de décrypter comment Bach reprend des thèmes, comment il les reprend ailleurs et se reprend lui-même dans cette boucle musicale que vous avez bien décrit par rapport à ce tissu continu. Quels sont les outils du musicologue ou du sociologue pour arriver à décrypter ça? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur, concrètement, comment on arrive à décrypter ces mécanismes de reprise à la fois de ses propres outils pour avancer dans la composition et de l'ailleurs, et comment on arrive, j'imagine que c'est un mélange d'outils d'historien, de musicologue, de sociologue, mais enfin, j'aurais aimé en savoir un peu plus. Oui. Ouais. Techniquement, c'est moins ma partie, mais c'est en effet passionnant. Et là, le cas de Bach était extrême, c'est ça qui a fasciné Fauquet, hein, et particulièrement intéressant, puisque dans la question que j'ai aussi soulevée par Bernard, à travers des travaux faits sur de la musique pour faire de la musique, la question même de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est que la musique, c'est que la musique, à un moment donné, est posée techniquement. Or, dans le cas de Bach, il y a deux revues allemandes concurrente qui s'occupe uniquement de retrouver la vérité historique de Bach. Et donc ça va jusqu'à l'analyse par rayon X de partition pour vérifier si le bémol rajouté en 1721 sur telle cantate était avant ou après l'autre. Alors, je dis que je suis un petit peu externe à ça parce qu'il faudrait prendre ça très au sérieux comme tu suggères, c'est de voir jusqu'où on peut aller dans le processus, non pas de composition, mais plutôt dans l'enchaînement de ces choses-là. Oui. Je ne sais pas, il y a beaucoup de réponses sur des œuvres isolées. Mais moi, un peu de l'extérieur, je voyais plus le côté, ça rend presque critique, le côté un peu délirant de ce travail qu'il ne s'interroge absolument pas sur la notion même d'original, et qui travaille, alors avec des instruments surmultipliés, pour créer ces originaux. Donc là, ça renvoie plus aux travaux qui ont été faits sur l'attribution en peinture. Quel est exactement le sens? Ça donne envie, je disais, de l'extérieur. Ça donne envie de se placer en l'an 3000 et d'être des anthropologues des années 2000, et non pas du tout des 750, et se demander, mais quel était exactement l'objet de ces musicologues qui cherchent au rayon X si ce bémol a bien été écrit en 1723? Alors que Bach lui-même, quand il les écrit, reprend un air de cantate pour le mettre dans une cantate profane, reprend des concertos pour piano, pour hautbois, pour faire des airs de cantate, et passe dans les deux sens. On a vérifié, c'est pas systématiquement d'abord le religieux puis le profane, hein, ça va dans les deux sens. Et donc, refait, comme tout le monde, de la musique chaque fois qu'il la réécrit. Donc la notion même d'original n'a pas de sens. Même pour des opéras dramaux, hein, on a quatre versions de Hippolyte et Aricie, le grand opéra dramaux, et les pochettes de disques sont amusantes, ils ont le problème, il faut régler ça, mais pour nous. Donc la version originale, parce qu'elle est avant, ils l'ont transformée parce qu'il y avait des effets sur le public. Pourquoi la première serait plus originale? C'est une question simplement anachronique. Donc là, ce suivi, je dis bien un peu là, mais ce suivi technique des reprises, c'est plus difficile que d'avoir soit les écrits sur la façon dont on a composé, ou d'avoir la suite des partitions, mais c'est assez passionnant. Et les petites transformations aussi. Parce que qu'est-ce que Bach change à une partition quand il la passe du profane au religieux? Mais ça aussi, c'est complètement anachronique, là, en écho avec ce que tu disais sur l'islam. Là, quand on oppose un répertoire profane à un répertoire religieux chez Bach, on est complètement dans l'anachronisme aussi. Pour lui, c'est pas qu'il y a de la musique qui a l'étiquette religieuse, voire qui pour nous est plus profonde parce qu'elle est religieuse, ce qui est un comble de l'esthétisation. Hein. C'est une garantie que c'est de la meilleure musique parce que c'était religieux. Pour lui, c'était l'inverse, s'il faisait de la bonne musique, parce que c'était d'abord religieux. Et évidemment, même, surtout pour un protestant du XVIIIe siècle, dans la moindre de ses œuvres sur Terre, il était pré-weberien. Il faisait tout ça pour la gloire de Dieu, y compris quand il fume la pipe ou quand il mange. Donc, les profanes sont religieuses parce qu'on est dans un monde entièrement religieux. Là. Donc cette division-là, il n'est pas en train de prostituer de la musique pour en faire un tube quand il fait de la musique profane. Non. Quand il faisait la cantate du café, alors. Oui, c'est ça, mais c'est celle-là. Il y a des tas de parties des cantates profanes qui viennent de cantates religieuses, et réciproquement. Mais on peut aller très loin, hein, c'est amusant là, ça c'est l'aspect musicologique. Hein. C'est-à-dire qu'au début on dit, ah ben oui, tiens, effectivement, la passacaille c'est connu. Il y a des choses moins connues, hein, comme le début de la suite anglaise, le premier prélude de la deuxième suite anglaise. C'est une gigue de Gaspard Leroux. Donc là, c'est rigolo, on prend un point isolé. Mais quand on prend plus au sérieux le travail de la reprise, ça n'arrête pas. C'est les œuvres dont on n'aurait qu'une occurrence isolée qui sont invisibles. Donc c'est bien, pas du tout un accident, c'est un procédé, c'est un état de la composition, c'est une façon de faire, une systématique. Et le décalage entre ça et le catalogue BWV est absolument fascinant, puisqu'on a deux outils qui sont en grande tension, mais dont la sophistication, c'est un peu ta question, la sophistication du second, l'outil moderne qui commence à repérer tout, finit par renvoyer à ce procédé-là, parce qu'on n'arrête pas de voir des liens. Et le musicologue trouve la liaison avec tel cantate, Fenrobruns. On retrouve le tissu, finalement. D'autres ça rejoint, le faux de Rembrandt. Je pense qu'il y aurait des connexions à faire aussi hors de la musique avec le travail fait par exemple par Svetlana Alpers sur les Rembrandt. Elle démarre sur les problèmes d'attribution. Là, que l'homme au casque d'or, c'est quand même. C'est pour Rembrandt, c'est comme la cantate 54. Ah, ça n'est plus du Rembrandt. Qu'est-ce que je fais, moi, ça vaut le caricature, le sommet de Rembrandt, et on me dit... Alors, au début, je dis, quand même, je suis plus malin que ça, même si c'est pas du Rembrandt, si je trouvais ça beau, je continue à trouver ça beau. Ben oui, mais les prix, par exemple, sont divisés par 10, par les assureurs, dans les musées. Donc, on touche vraiment, là, on voit la tension qu'il y a entre un modèle du droit d'auteur, typiquement, et l'auteur, et puis une production. C'est le coffret de Toubac à la FNAC. Avant de passer la parole au prochain intervenant, je voulais m'assurer qu'on entend bien les micros au fond. Ça va ? Bon. On n'entend pas les questions. On n'entend pas les questions, oui, ça on va les reprendre. Est-ce qu'on devine les réponses ? Non, je n'ai pas de questions d'appel. C'est pas sûr. Vous pouvez passer le micro à monsieur qui est juste derrière toi pour la prochaine question. Voilà. Vous pouvez dire votre nom en même temps, comme ça on. Je voudrais me savoir s'il y avait des. On aurait pu repérer des régularités qu'on prendrait pour comprendre qui motivait chez Bach tel emprunt plutôt qu'avec tel autre. Est-ce qu'il y a des moyens de savoir ce qui faisait que Bach choisissait parmi ce qu'il empruntait avec ? Ça peut l'air. La même question. Non, je ne saurais pas vous répondre. C'est pas moi qui peux vous répondre là-dessus. C'est toujours pareil avec les archives, hein. C'est quand on a la question un tout petit peu trop large, il n'y a aucune réponse, et puis quand finalement on trouve la bonne question, donc ce qu'on est en train de faire, c'est de reformuler, bon alors on ne croit plus à l'œuvre unique, c'est pas simplement une espèce de fourre-tout joyeux, c'est quelles sont les procédures exactes, enfin, on retrouve un peu des traces, donc, mais là Joël-Marie Fauquet serait beaucoup plus qualifié que moi pour rentrer dans ces... Et les gens des deux revues... allemande, hein, qui regarde toute la journée 8 partitions de suite et voit l'évolution de tel concerto pour hautbois, font la comparaison avec la Sinfonia. Donc on voudrait voir les thèmes. On a peu de commentaires. Hein, Bach, il y a aussi évidemment le recueil des écrits de Bach au sens des lettres. C'est extrêmement pauvre. Un effet anachronique aussi. Hein, il n'écrit pas. Il fait, moyennant quoi, on voit Bach comme grincheux, s'opposant tout le temps aux autorités. Évidemment, le recueil de ses lettres, c'est essentiellement ses lettres de protestation avec les bourgmestres ou ses employeurs. Donc, il est en train de gueuler sur son salaire, ou de dire qu'il veut avoir le temps de s'occuper de musique, et pas seulement d'apprendre le latin, pas la musique, à des élèves. Mais c'est juste un effet de source. Et on a assez peu de sources, c'est une façon de composer. Alors que déjà, à l'époque, une sorte de compositeur, on en a. Donc, ça reste un peu un mystère ou des... Bien, merci. Bon, dernière, Pierre, mais vraiment très bref, s'il te plaît, et Antoine également, sois bref dans ta réponse. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont ça se passait, c'est-à-dire est-ce que les emprunts étaient faits sciemment ? Par exemple, dans l'exemple de raison que vous avez donné de la Passacaille, le thème de Bach ne reprend en fait que les quatre premières mesures. Et très vite, le thème lui-même change. Donc, il y a deux morceaux, en fait, la fin du thème de Bach et aussi de raison, mais à la trace, c'est comme point. Donc il y a que les deux dernières mesures de Bach qui sont. D'accord. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut supposer que Bach a emprunté sciemment à une œuvre d'André Raison qu'il connaissait, ce qui est assez intéressant, ça montre aussi, ça donne des indications sur la circulation des œuvres du XVIIe siècle, ou est-ce qu'il y avait une telle imprégnation musicale qu'en fait des thèmes surgissaient comme cela par un jeu de réminiscence, sans forcément. Un peu la question du site, inconscience ou plagiat. Dans le cas de Bach, c'est intéressant parce que là, il y a un musicologue, un historien de la musique plutôt américain, la Wolf, qui a fait le travail et qui a fait un bouquin très intéressant qui s'appelle The Learned Musician, pour montrer que contre la figure habituelle qu'on donne de Bach qui n'a pas voyagé, alors qu'à l'époque ils vont tous en Italie, en France, donc il est resté dans sa Lotharingie profonde. Et donc il avait une image un peu plouc paysan, et lui il fait que de la musique allemande de son temps. Alors c'est complètement faux, non ? À travers les manuscrits, il a déchiffré énormément de choses, et ça, en effet, on peut en avoir des traces. Donc là, l'emprunt a raison, et il y a toutes les chances de... Il adorait les clavecinistes français, il a déchiffré du Couperin, on a des traces justement de Leroux, de Royer, etc. Donc l'emprunt est explicite. Ce qui est très intéressant dans les reprises, une toute petite esquisse de réponse, mais c'est vraiment comme une question qu'on a discuté explicitement avec Fouquet, c'est d'essayer de voir si dans Bach lui-même, quand il reprend des thèmes ou des morceaux à lui, il n'est pas déjà en train de travailler sur cette instauration de la musicalité. C'est-à-dire que le fait même qu'il reprend des œuvres de lui-même, c'est une façon de choisir à l'intérieur de son propre répertoire ce qui lui paraît pouvoir constituer un répertoire. Donc je vais faire de l'anachronisme là, mais si on fait de l'archéologie de cette constitution de la musique en répertoire, peut-être qu'il ne reprend pas simplement un thème qui lui passe par la tête, mais que quand il repère son projet, c'est d'apprendre aux autres à faire de la musique. Il est extrêmement pédagogue. Donc quand il repère dans ses œuvres quelque chose qui peut faire musique ultérieurement, alors il le récite. Et dans ce cas-là, lui-même démarrerait ce procédé de reprise pour constituer un répertoire classique. Ça c'est possible. C'est intéressant. Bien, merci Antoine. Merci à vous. Aux intervenants. Et donc on passe à la pause avant la suite. On reprend à 11h.